nuit se glisse entre les corps. La ville s'endort, veilleux les amants. Mon âme glisse une fois encore vers le sémaphore. Tes mots fièvre en aimant. Je prie le temps qu'il suspende encore son vol, son élan. T'aimais longtemps plus fort. Je prie le sang qu'il cogne encore nos têtes, ton vent. Plus vivant que jamais, nous ne serons morts. La nuit câline mes bras, ton corps. Douce est la force des êtres en étreinte. Pudeur et rite, tout s'abandonne. Comment d'abord sa fin. Je prie le temps qu'il suspende encore son vol, son élan. T'aimais longtemps plus fort. Je prie le sang qu'il cogne encore nos têtes, ton vent. Tant que jamais nous ne serons morts. La nuit se tisse, voilée des corps, voyage encore. De dentelle en écrin, les draps se plissent sous les efforts, les lèvres mordent, la peau n'est pas de chagrin. Je prie le temps qu'il suspende encore son vol, son élan. Je prie le sang qu'il cogne encore nos têtes, ton ventre. Plus vivant que jamais, nous ne serons morts. Se reverront demain.